son ciel. J'ai vécu les jours bien malheureux, mon corps couvert de plaies, creusé par le ciel. J'ai vu mes assauts devenir peureux, mes certitudes se vider de leur sens. J'ai vu l'amour devenir souffrance. J'ai vu ce qui ne sera jamais que la douleur de la lucidité. Puis j'ai attendu des jours meilleurs. La chaleur devait redonner vie à toutes ces choses pleines de saveur. Mais l'amour s'étouffe sans nostalgie. Alors la révolte peut surgir sans crainte. Et l'oubli tombe des tours, fait des plaintes. Parce qu'il ne reste que cela. Parce que je dois vivre debout. Et être prêt pour le futur combat. Pour redonner vie à ces images floues, redonner vie à ce paradis lointain, pour espérer ce qui n'existe pas et refuser les fins tragiques, parce que j'aurai plus qu'il ne faudra. Je t'aime.